Table ronde sur le Super Bowl, même si Alexandre Gauthier n'a plus le temps d'intervenir de façon hebdomadaire. Écoute, là j'ai dit Alex, force-toi parce que écoute, fait 7-8 ans qu'on a cette table ronde-là pour le vendredi soir, le vendredi du Super Bowl, et il est avec nous encore une fois. On rejoint Stéphane Cadrette au Minnesota. Salut Stéphane! Salut! Et Alexandre Gauthier, salut Alex! Salut Denis, j'aurais pas manqué ça pour rien au monde. OK. Stéphane, Minnesota, je pense que c'est la deuxième fois, si je m'abuse, qu'ils ont le Super Bowl. Avant de rentrer en nom, on disait qu'il fait à peu près moins 22 avant de rentrer. Donc, ça ressemble pas mal ici à Dolbeau, Mississippi. Est-ce que les gens sont fébriles quand même? Je voyais sur NFL Network, parce qu'ils ont le kiosque là, ils ont le kiosque, puis des gens ont l'air à tu le party quand même. Oui, puis ta mémoire est bonne en passant, c'est la deuxième fois, ouais. La dernière fois, 92. Ouais, fait que ça faisait un sacré bail, puis la raison pourquoi on revient cette année, ben c'est pas compliqué, hein, c'est que maintenant, quand tu bâtis un nouveau stade, on te donne un bonbon qui s'appelle le Super Bowl. Okay. Ça s'est passé comme ça à New York, ça se passe comme ça au Minnesota, ça va se passer comme ça l'an prochain à Atlanta. Donc, c'est ça la tradition. On fait plus exception parce que c'est une ville du nord où il fait plus froid. T'sais, on le sait que dans le temps, les Super Bowls, c'était plus dans le sud, pas mal, là, en Californie, en Floride, en Nouvelle-Orléans. Mais maintenant, quand t'as un stade, peu importe où tu es sur la map, on t'offre un Super Bowl. Puis pour répondre à ta question, ben oui, là, c'est quand même le party. Je te dirais que, justement... C'est pas l'effet tropical qu'on peut avoir ailleurs, mais je trouve que les gens s'habillent. Je trouve que Minneapolis s'assume aussi comme ville du Nord. Ils essayent pas de se présenter comme autre chose que ça. C'est des sculptures de glace partout. C'est des festivités extérieures. Les gens sont là, les gens s'habillent, les gens sortent dehors. Ça fait un party, disons, un peu plus froid en termes d'ambiance. Pas juste en termes de température, mais en termes d'ambiance. Que d'autres Super Bowls auxquels j'ai assisté. Moi, c'est mon 7e, je suis bien chanceux. Mais honnêtement, c'est quand même le party. Puis il y a toutes sortes d'activités intérieures aussi. Là, donc, les gens sont quand même choyés là, de se retrouver ici cette semaine. Comme question, parce que moi, j'ai mon chroniqueur de soccer qui va aller à la finale de la Coupe du monde de soccer cette année. Il a payé, je pense, c'est 500$ son billet pour la finale de la Coupe du monde. Je trouve pas ça cher pour l'ampleur de l'événement. J'ai dit, je pense qu'un Super Bowl, c'est plus cher que ça. Le billet régulier, je te parle pas du billet sur StubHub, là. Je te parle du billet régulier. Comment que ça varie les prix, à peu près? Est-ce que tu as une idée cette année, genre? T'as vraiment une grande fourchette de prix. Puis les dernières recherches que j'ai faites là-dessus, ouais. J'ai regardé pour le fun en date de mercredi. On parlait d'un prix médian autour de 4 500. Évidemment, là, c'est des prix qui vont fluctuer jusqu'au matin du match. Puis ça peut monter, ça peut descendre, ça dépend d'un paquet de facteurs. Au moment où je regardais ça, là, ça se situe autour de ça. Toi, tu parles du prix régulier, là, tu parles pas du StubHub, tu parles du prix régulier, là, c'est ça? Ben non, j'ai pas vérifié parce que les prix réguliers, les billets, ça fait longtemps que c'est parti, là. Mais okay. Moi, je parle des sites de revente. OK. Ça reste des billets officiels, là, mais c'est des sites de revente qui mentionnaient ça là dans les. J'ai vu ça sur Internet là, mercredi. Okay. Alex, t'es remis de tes émotions d'un classique quand je t'ai parlé, t'étais à Nouvelle-Angleterre, t'étais dans le parking du Gillette Stadium. Comment t'as trouvé ça, assister à un premier match de NFL? C'est sûr que c'était un classique, c'est un match qu'on va revoir à la télévision de, tu sais, NFL Network, il y a toujours des classiques, là, souvent, là. Dans 5 ans, on va le revoir, ce match-là. Donc, t'étais gâté comme première expérience de NFL, là. Ouais, ben écoute, il y a des occasions dans la vie, là, et ouais. Je parlais de ça justement avec quelqu'un que je connais bien hier, je dis, il y a des occasions dans la vie que tu dois saisir absolument. Alors, moi j'ai une fille de 18 ans, puis ça faisait exactement ce temps-là que les Jaguars n'étaient pas allés en finale de conférence. Okay. Et en plus, en Nouvelle-Angleterre, qui est pas loin de chez nous, en tout cas, qui est la destination la plus loin, ouais. la plus proche, excuse, de notre domicile. Donc, je l'ai saisi, et je dois te dire que c'est une expérience que je ne vais certainement pas oublier de sitôt, et ça m'a pris une semaine, là, comme je racontais à Ordon, là, à m'en remettre, là, maintenant le corps et l'esprit sont de retour ensemble, mais ça a pris du temps. Que de bons souvenirs et quel beau match. Hey, c'est incroyable comme match. Stéphane, c'est-tu bon pour la NFL d'avoir toujours les Pats, ou pratiquement? Ou encore, moi je pense que oui, c'est sûr que j'étais un partisan des Pats, je suis biaisé un peu. Par contre, tu sais, il y a des équipes, moi je suis la NBA également, il y a des équipes qui se pactent des équipes. Les Yankees, les Red Sox, se sont pactés tout le temps des équipes, des gros joueurs autonomes. La NBA, l'année passée, on a signé Kevin Durant, puis ça a fait des séries plates parce qu'il était trop fort pour la ligue. Et dans la NFL, t'as les Pats de la Nouvelle-Angleterre. Puis les Pats, ben, quelque part, moi je trouve que c'est bon et je m'explique parce que il laisse personne indifférent les Pats. Soit t'es aimes ou t'es haïs. Il y a pas juste un milieu. Et dimanche, là, il va y avoir les pro-Pats contre les haters des Pats. Ça ajoute au spectacle. Si on s'arrêtait Jaguar, excuse-moi, de Blake Bortles au Québec, là. À part Alexandre Gauthier, là, je pense que Blake Bortles pis Jaguar, là, pas sûr que ça aurait eu autant d'intérêt que les Pats. T'es d'accord avec moi? C'est malheureux à dire, mais t'as peut-être raison. Puis quand je dis malheureux, c'est que moi, je trouve ça déplorable que des gens vont regarder le Super Bowl juste parce que c'est Tom Brady puis les Patriots pour les aimer ou les haïr. Okay. Et les Jaguars, là, personne va me faire croire que c'est une mauvaise équipe puis qu'elle est intéressante, là. C'est du très bon football. Il y a plein d'équipes comme les Jaguars qui mériteraient d'y aller au Super Bowl. T'sais, je pense qu'ils ont connu une saison exceptionnelle. Je l'ai vu ça passer un peu sur Twitter. Quand ils menaient, à un moment donné, en deuxième demi, les gens commençaient à paniquer un peu et à dire « Hey, moi, j'ai pas envie de voir un Super Bowl avec les Jaguars. » Je pose la question aux gens, moi, pourquoi? Pourquoi vous avez pas envie de voir ça? C'est de l'excellent football. C'est pas parce que c'est un club qui joue d'abord et avant tout par sa défensive puis le jeu au sol que c'est pas un spectacle intéressant. Je comprends que y a beaucoup de non-initiés qui préfère les passes de Tom Brady, puis je peux le comprendre. Puis ça a eu du bon, la dynastie des Patriots, au sens où ça a amené, je pense, beaucoup d'amateurs qui ne tripaient pas nécessairement sur le football de la NFL, qui ont été amenés peu à peu, parce qu'ils ont regardé les accomplissements de Tom Brady, des Patriots, de Bill Belichick. Ils ont été impressionnés. Ils ont voulu regarder un autre Super Bowl l'année d'après. Puis, oups, 3-4 matchs de saison régulière l'année suivante. Donc, pour moi, oui, ça a du bon. Mais j'amène ça avec un bémol. Je trouve ça un peu déplorable quand les gens disent « Ben moi, si c'est pas Tom Brady au Super Bowl, tu sais, je vais écouter les games de hockey en après-midi puis je vais fermer la TV le soir. » Non, je pense qu'il faut ouvrir ses horizons. Non. C'est sûr, je regarde tous les matchs, mais je regarde, écoute, je suis rendu à la NCAA aussi, là. Sauf que ce que je veux dire, je parlais pas de toi, là. Ouais. Je parle d'un nombre de personnes assez élevé que j'ai vu sur les médias sociaux s'emporter comme ça. C'est pas contre toi parce que je sais que t'es un fan des Patriots, pis c'est pas correct comme ça. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui réagissent un peu de cette façon-là. C'est leur droit. T'sais, il n'y a pas personne qui va leur dire comment penser. Mais je pense que si tu te mets à aimer le football par les Patriots, par Tom Brady, c'est parfait. Mais sois assez ouvert pour élargir tes horizons par la suite. Tu vas juste profiter d'un sport qui est très, très beau. Il est très bien exécuté avec d'autres équipes aussi. Alex, ça a dû être de la musique à tes oreilles, entendre ça? Oui, ben écoute, ben franchement, je suis entièrement d'accord avec Stéphane. Puis les Jaguars représentaient un football très excitant cette année. Il y a eu deux ou trois parties où ils ont gagné par de grandes marges, mais généralement, moi, j'ai vu tous les matchs et c'était beau à voir cette défensive-là. Évidemment, je suis un fan de football. Moi, les défensives qui sont spectaculaires, ça m'excite, ok? Au hockey, c'est plus difficile, mais au football, on dirait que des matchs défensifs, ça peut être intéressant. Alors, je suis entièrement d'accord avec Stéphane, ça aurait donné un bon spectacle. Ceci étant dit, je vais être beau joueur. Les Patriots méritent amplement d'être là. Ils ont joué mieux que les Jaguars. Les Jaguars ont eu peur de perdre. Ouais. Les Patriots, on voulait gagner. Alors, ils méritent d'être là. Et moi, l'intérêt va peut-être être diminué parce que les Patriots, vraiment, je suis un peu tanné de voir la même équipe au Super Bowl, mais en même temps, au niveau du mérite, sont tout à fait à leur place. Puis tu sais, c'est pas une équipe pactée, c'est pas une équipe comme, comme les Warriors de Golden State, l'image que je donnais, ou les Yankees des années. Ouais. C'est pas, c'est un corps extraordinaire et un coach extraordinaire. C'est juste ça. Et la preuve, ils peuvent sortir un joueur que tu connais pas de nulle part, donner une grande vedette. Il arrive ailleurs, le Garrett Blunt, entre autres. Puis c'est très ordinaire, là. C'est pour ça. C'est le système de Belichick qui rend ça beau. Stéphane, qu'est-ce que dans ce Super Bowl-là, on parle que ça va être une guerre des tranchées. T'es d'accord avec ça? C'est là que ça va jouer. Ah, absolument. Ouais, hein? Absolument. Puis c'est pour ça que je suis pas capable de dire que les Eagles sont déclassés, comme je vois à beaucoup d'endroits chez beaucoup d'analystes. Les Patriots devraient l'emporter, selon moi. Mais honnêtement, quand je vois qu'il y en a beaucoup qui entrevoient comme un match à sens unique, je pense que c'est mal connaître la ligne offensive des Eagles, la ligne défensive des Eagles. C'est les deux forces de ce club-là, puis ça donne que quand t'es fort dans les tranchées, ben tu peux prendre le contrôle d'un match. T'sais, les Eagles sont l'équipe numéro un de la saison en termes de temps de possession. Ça, ce que ça veut dire, c'est pas nécessairement un championnat avec ça, mais quand tu contrôles le ballon, tu contrôles le rythme du match, puis surtout, c'est qui le joueur dangereux chez les Patriots? Le dénominateur commun avec tous les héros des Patriots, ça reste Tom Brady. Mm. La meilleure façon de le laisser sur le banc à poireauter, c'est de faire courir tes porteurs de ballon, de gruger du temps, d'avoir des poussées offensives de 7, 8, 9 minutes. Si les Eagles peuvent faire ça, ça va être beaucoup plus serré qu'on pense. Mais Bill Belichick a toujours 3-4 lapins dans son chapeau. Mm. Là, il va amener des formations qu'on n'a pas nécessairement vues cette année. Et l'autre point, je pense que les Eagles, oui, c'est des gros bonhommes sur le front défensif, mais ils vont peut-être trouver que ça va vite si les Patriots se mettent en mode attaque sans caucus. J'ai hâte de voir comment ils peuvent réagir à ce niveau-là. Alex, est-ce que Nick Foles peut être le Jeff Hostetler de l'année 2018? Je m'explique. Jeff Hostetler, on est en 1991. Phil Simms se blesse. Phil Simms, qui était le carrière, qui était un des très très bons carrières en 1991, se blesse à la fin de la saison. Arrive Jeff Hostetler, tu sais, les gens se posaient la question, c'est qui? Ben, il a conduit les Giants de New York à une victoire au Super Bowl contre les Bills de Buffalo. C'est à peu près le même scénario. Est-ce que Nick Foles peut être Jeff Hostetler? Mais en tout respect, moi je pense pas que la clé ce soit Nick Foles. C'est-à-dire que ouais. Si il joue un match relativement correct, c'est pas d'erreur. C'est tout ce qu'on va lui demander. Okay? Mm. La semaine dernière, il a été extraordinaire contre les Vikings. Moi, je lui demande même pas d'être extraordinaire. Je lui demande juste d'être stable. Okay? Mm. Un gars qui va lancer à peu près pour 60% de ses passes réussies. Pas d'interception. C'est tout ce qu'on lui demande. Donc, il est capable de faire ça, Nick Foles. Moi, je pense que la clé vraiment de ce match-là va être la défensive des Eagles. Et j'espère que Jim Schwartz a regardé le match Jaguar-Patriotes à 25 reprises au moins au cours de la dernière semaine, parce que v'là 2 semaines, ce qui a coulé les Jaguars, quand j'ai dit qu'ils jouaient pour ne pas perdre, en deuxième demi, sur 18 ou sur 20 essais en défensive, 18 fois ils ont joué une couverture de zone. Okay? Mm. Et la couverture de zone, là, Tom Brady, là, il avale ça là, comme petit déjeuner le dimanche matin. Là. Okay? Ça, c'est classique pour lui. Mm. Parce qu'il a ramassé 140 verges sur les essais de couverture de zone. Et quand ils ont joué homme à homme, en mettant un peu de pression, Tom Brady n'a pas réussi aucune de ses passes en deuxième demi. C'est que Jim Schwartz, là, il a tous les éléments, tous les ingrédients dans la défensive des Eagles pour jouer homme à homme le plus souvent possible et surtout mettre de la pression sur Tom Brady. Et ça, c'est la recette pour le battre. Les Eagles ont une chance. Ouais. Mais Stéphane, tu es d'accord avec Alex, là? Oui, puis la pression, l'une des forces des Eagles, moi je parlais du front défensif, mais la pression vient beaucoup de l'intérieur avec le gros plaqueur Fletcher Cox. Si les gens le connaissent pas, portez attention à lui à l'intérieur de la ligne défensive des Eagles, c'est un monstre, tout simplement. Et puis, c'est quand les rares fois où Tom Brady paraît mal dans sa carrière... Qu'est-ce que brosser? Vous allez être d'accord. C'est quand il y a la pression, mais pas simplement la pression, c'est quand il y a la pression qui arrive directement dans son visage, qui est pas capable de se déplacer verticalement dans sa pochette. Quand Tom Brady est obligé de se déplacer horizontalement, latéralement, il perd ses moyens, il a pas la vitesse, on le sait, il a énormément de qualité, Tom Brady, mais c'est pas le plus grand des athlètes non plus en termes de vitesse. Donc, si la pression vient forte de l'intérieur, qu'on arrive à appliquer la pression aussi sans nécessairement blitzer trop souvent, laisser les secondeurs en couverture de passe, là, les Eagles peuvent s'en tirer à bon compte. Mais je sais pas si vous avez remarqué depuis tantôt, il y a beaucoup de si dans ce qu'on dit. c'est un facteur important, là, parce que Tom Brady, lui, il y en a vu d'autres. Il a 40 ans, ça fait 18 ans qu'il joue. Il est défensif, il y en a vu de toutes les sortes, de toutes les couleurs, de tous les acabits. Donc, ça va prendre un plan de match parfait pour venir le dérouter. Puis, tu sais, on dit les Eagles ont une très bonne défensive. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais rappelez-vous à quel point il a charcuté les Seahawks de Seattle il y a 3 ans au Super Bowl. Puis, on parle d'une des meilleures défensives de l'histoire. Il avait fait ce qu'il voulait avec eux autres au 4e quart. Faut pas oublier ça non plus. Donc, les Eagles ont des chances. Je pense qu'ils peuvent être très compétitifs. Mais au risque de me répéter, il y a beaucoup de filles dans tout ce qu'on vient d'analyser là, pour que tout tourne en leur faveur. Alex, Rob Gronkowski a été sonné, je sais pas si vous avez vu comme il faut. Je me disais, hey, monsieur, ça a l'air assez sérieux. On l'a bien vu. Ouais, t'étais sérieux. T'sais, il avait de l'air à pas savoir ce qu'il était là. Puis 2 semaines après, il revient au Super Bowl. C'est sûr qu'il y a un protocole, c'est sûr qu'on joue pas avec ça, mais ben, je me demande, j'ai des petits doutes là-dessus. Est-ce que juste le fait qu'il est là dans l'alignement, ça fait peur? Puis c'est un peu pour ça qu'on l'amène? Ben, une chose est sûre, quand il est dans l'alignement, il devient un élément majeur de l'attaque des Patriotes. Il suffit d'isoler Gronkowski contre un joueur en couverture, puis il n'y a pas un joueur du côté des Eagles qui est en mesure de couvrir homme à homme, je pense. On avait chez les Jaguars Jalen Ramsey, il a fait une coupe de reprise, mais là, Gronkowski s'est blessé. Maintenant, en santé, je pense que, bon, c'est peut-être pas son meilleur match, mais il suffit quand même de l'isoler qu'à un contre un, puis il est capable de capter quelques ballons importants, puis changer l'allure d'une rencontre. Fait que pour moi, c'est un facteur important, sa présence. Okay. Messieurs, donc prédiction. Stéphane, il y a beaucoup de si, j'imagine que tu y vas avec les Pats. Malheureusement, demain, que j'ai pu te voir, tu dis, garde, je voudrais les Eagles, mais les Pats devraient l'emporter. C'est tout ça ce que j'ai été trouvé dans ma. Non, ben, c'est le malheureusement là, que j'enlèverais, parce que j'ai pas vraiment de parti pris, ouais. c'est pas ça. Mais ben, c'est évident que à un moment donné, ça va peut-être faire du bien de voir une autre équipe au sommet de la montagne. Mais honnêtement, là, en toute franchise, j'ai pas nécessairement de parti pris entre les deux équipes. Là étant dit, je pense que il y a beaucoup de talent du côté des Eagles. Je pense qu'ils peuvent dominer la bataille dans les tranchées. Mais l'impondérable, c'est toujours et encore et toujours Tom Brady. Je pense qu'en raison de sa présence, de ses connaissances, de toute sa vaste expérience dans des moments comme ceux-là, je suis juste pas capable de parier contre lui. Non, ça devrait être un match assez serré. Moi, je pense par un toucher, un genre de allons-y avec un 24-16 en faveur des Patriots. Alex. Écoute, moi, je mets tous mes œufs dans le panier de Jim Schwartz. C'est un gars, c'est un coordonnateur défensif très agressif, contrairement à celui des Jaguars. Donc, j'y vais avec un 27-24 Eagles. Ah, je savais que t'allais arriver avec ça. Ne jamais parier contre Tom Brady. T'as pas appris ça encore, ça? c'est... Hey, Stéphane, je veux... Danny, faut clarifier une affaire. Un jour, il y a quelqu'un qui va parier contre lui puis qui va gagner, pareil. Peut-être 53. Ouais. 53, 54. Oui, vas-y, Alex. Il va commencer à avoir de la misère. À 50, c'est sûr qu'à 50 ans, c'est sûr qu'il va commencer. Alex, oui, vas-y, Alex. Je te rappelle que j'étais dans le stationnement des Patriotes il y a de ça 2 semaines et j'ai parié contre mon équipe. Ouais, c'est... J'avais dit que les Patriotes allaient gagner. Ouais, c'est... Hey, messieurs, je veux vous entendre rapidement sur la transaction de cette semaine. Alex Smith qui s'en va à Washington. J'ai été surpris que ça se fasse aussi vite, Stéphane. Rapidement, je sais que Laurent semble très déçu. C'est sûr qu'on veut faire une place à Pat Mahomes. Es-tu surpris que ça s'est fait quand même assez rapidement? Hey, on n'a même pas entendu Super Bowl, là. Fin du Super Bowl. Bonsoir, c'est parti. C'est sûr que oui, ça s'est fait rapidement, mais c'était évident qu'il allait avoir un échange parce qu'Alex Smith est encore sous contrat. C'est pas comme s'il tombait joueur autonome. Puis les Chiefs étaient littéralement en amour avec Pat Mahomes, le choix de première ronde du dernier repêchage. Donc c'était clair, net et précis qu'Alex Smith allait s'en aller. Pour les Redskins, moi, tout ce que je pense personnellement, Il a beau avoir de l'argent garanti, on a beau lui donner plusieurs millions. Je pense que c'est un corps arrière de transition. Ça a toujours été ça. Alex Smith, le garde, il y a eu Colin Kaepernick qui a joué dans ses jambes à San Francisco. Aussitôt qu'il a commencé à vraiment s'établir à Kansas City, ils vont commencer à dire qu'il connaît le meilleur moment de sa carrière. On repêche le jeune Mahomes. Donc, je pense qu'il ne fera pas nécessairement plusieurs saisons à Washington. Ça va être à surveiller. Puis, il y a un élément, je pense, qui est négligé dans cet échange-là. On n'en a pas parlé, mais les Chiefs obtiennent un demi-coin très prometteur. Kendall Fuller, on a parlé beaucoup du choix de troisième ronde qu'ils obtiennent dans l'échange, mais ça devrait être un élément intéressant à surveiller, en tout cas pour la prochaine saison. C'est un demi-coin versatile, il est capable de jouer à l'intérieur, à l'extérieur, c'est très recherché. Contre les attaques diversifiées d'aujourd'hui avec 3 puis 4 receveurs. Ouais. Je pense honnêtement que les Chiefs devraient bien s'en tirer. Je sais que c'est pas sexy de parler de lui parce qu'on parle d'Alex Smith puis on parle de Kirk Cousins qui s'en va de Washington prochainement, mais je vous fais juste vous porter à votre attention que c'est un élément qui pourrait jouer en faveur des Chiefs à long terme. Et j'ai hâte de voir, John Elway veut Kirk Cousins selon les rumeurs. J'ai hâte de voir ça. Si, écoute, il y a peut-être pas choix. Toi, Alex, as-tu été surpris que ça se fasse vite comme ça? Non, puis j'adhère au propos de Stéphane. Là, je trouve que c'est plein de sens ce qu'il dit. Moi, la simple et bonne raison, c'est que je pense que les Chiefs avaient établi un prix puis ils ont obtenu un petit peu plus, sinon à tout le moins le prix qu'ils avaient établi pour Alex Smith. Donc, aucune raison d'attendre plus longtemps. Et deuxième des choses, je pense qu'ils voulaient absolument envoyer Alex Smith ailleurs que dans leur conférence parce que ça leur tentait pas d'affronter Alex Smith l'année prochaine. Puis je pense aussi que ils voulaient pas que les Broncos mettent la main dessus ou qu'ils soient pris avec une ou deux équipes finalement à qui l'échanger, alors que là maintenant le marché était beaucoup plus grand à ce moment-ci. Okay. Donc ils ont profité d'un contexte favorable d'après moi. Ben messieurs, très intéressant. Bonne ronde novice atome, Alex. Stéphane, ben toi, on va se reparler un moment donné certain, sûrement au marché l'ouverture du marché des joueurs autonomes très très bientôt. Puis, je te souhaite une bonne fin de voyage au Minnesota. On peut t'entendre, on peut te lire dans le Journal de Québec, dans le Journal de Montréal. On peut également t'entendre, je pense, Radio Énergie ce soir et un peu partout dans les médias. Je pense qu'il y a pas mal de stations de radio qui te courent après quand t'es au Super Bowl. Donc, dès demain, ben, les textes vont se poursuivre, c'est ça? Exactement, on continue. Il va y avoir des textes pas mal demain. Ton Twitter aussi. On a quasiment... C'est presque, ça se rapproche d'un cahier spécial, là, tellement qu'on a le matériel. Dimanche, on a des textes aussi qui sont en préparation, donc on va mettre la table comme faut pour ce Super Bowl. Et ton Twitter aussi, que tu es très alerte. Souvent, Alex, il me dit que il retweet tes affaires, surtout quand tu parles des Jaguars de Jacksonville. C'est toujours pertinent, ces tweets à Stéphane, alors il fait toujours un excellent travail, fait que... On va lire ça avec attention, mon ami Stéphane. Ben, merci beaucoup. Donc, Stéphane Cadoret du Journal de Québec et de Montréal et Alexandre Gauthier qui nous parlait du Super Bowl.